Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Cinquième partie, chapitre 1. À la fin de cette journée de printemps qu'ils avaient eue, la nuit tombante ramena le sentiment de l'hiver et ils rentrèrent dîner devant leur feu qui était une flambée de branchages. Leur dernier repas ensemble. Mais ils avaient encore toute une nuit à dormir entre les bras l'un de l'autre, et cette attente les empêchait d'être déjà tristes. Après dîner, ils retrouvèrent encore un peu l'impression douce du printemps, quand ils furent dehors sur la route de Port-Évent. L'air était tranquille, presque tiède, et un reste de crépuscule s'attardait à traîner sur la campagne. Ils allèrent faire visite à leurs parents pour les adieux de Yann, et revinrent de bonne heure se coucher, ayant le projet de se lever tous deux au petit jour.